10h chez toi, pas là, tant pis, c'est dommage, j'avais pas sommeil, seul dans mon lit, c'est pas pareil. J'adore te regarder dormir pour surveiller si tu respires, être réveillé par tes paroles, sans queue ni tête, non t'es pas folle. Y'a des choses qui se ressentent et qui ne se disent pas, des trucs inconscients et que moi seul je vois. Les signes des promesses que les yeux font tout sales, un autre état d'ivresse que celui de l'alcool. Découvrir des petits détails de ta vie qui sont pas banals, me rendre compte petit à petit que je suis pas si seul ici. Avoir peur que tout s'accélère, qu'il s'agisse d'une simple illusion. Mon cœur à Wandsburger est fier, il marche à l'autoprotection. Il y a des choses qui se sentent et qui ne se disent pas, des trucs inconscients et que moi seul je vois. Des signes, des promesses que les yeux font tout seuls, un autre état d'ivresse que celui de l'alcool. T'as vu des choses qui ensorcellent, t'es tombé sur des gros salauds, mais t'en es ressorti plus belle. Moi je sais pas vraiment où je vais, droit dans le mur ou bien dans la dalle, mais je risque fort de m'habituer à voyager un peu moins seul. Y'a des choses qui se sentent, qui ne se disent pas, des trucs inconscients, et que moi seul je vois. Des signes.